Chapitre 29. Monsieur Bonnardel. Que faire ? Copier les rôles ? Mais pourrais-je ? J'ai une écriture d'enfant, embrouillée et illisible. On disait dans les classes de lettres, il n'y a que les imbéciles qui peignent bien. On promettait le prix de calligraphie aux plus bêtes. Et moi, faisant chorus avec mon professeur, ce niais, avec mon père, cet aveugle, j'étais presque fière d'écrire si mal. On trouvait cela original et coquet de la part d'un fort. Si au lieu de faire des discours latins, j'avais fait des bâtons, si au lieu d'étudier Cicéron, j'avais étudié Fabergé, je pourrais aujourd'hui copier des rôles le jour et être libre le soir, ou bien les copier la nuit et bûcher le jour à mon choix. Il eût suffi de cela pour que je fusse libre. J'ai cherché tout de même les demandes de copistes derrière les grillages du palais de justice, dans les colonnes des petites affiches, sur les plaques des pissotières, et je me suis rendue aux adresses indiquées. On m'a ri au nez quand j'ai montré mes échantillons. On m'a mise en face de gens à tête de sous-officiers ou de notaires qui écrivaient comme des graveurs. C'était moulé. J'en ai été quitte pour ma courte honte. Je ne pus pas gagner mon pain de cette façon. Ce serait bien difficile, allez, même si vous aviez une belle main. On ne vit pas de cela. Vous vous useriez les yeux sans encore récolter de quoi manger, m'a dit un de ces calligraphes. Il faut avoir des maisons attitrées. Cela ne s'acquiert qu'avec le temps et de grandes protections. Il a l'air de m'assurer que c'est aussi difficile que d'être nommé préfet ou consul. Peut-être bien, et ce n'est pas plus sûr. Mon écriture me tue. Toutes mes tentatives pour entrer n'importe où saignent et meurent sous le bec de ma plume maladroite. Si je pouvais être caissier, teneur de livres, je m'y mettrais. Je crois qu'avec ma volonté de fils de paysanne, j'arriverai à faire entrer de force dans ma caboche les notions sèches qu'il faut au pays de la pierre et du fer. Je forgerai mon outil d'employé de manufacture ou d'usine. J'apprendrai les chiffres. Je me cramponnerai à l'arithmétique comme Quasimodo à sa cloche. Dussé-je en avoir le tympan cassé, le cerveau meurtri, les ailes de mon imagination brisées. Oh, ce serait terrible si je devenais un chiffreur qui ne rêve plus, n'espère plus, chez qui l'idée de révolte ou de poésie est morte. Mais je me figure que qui est bien doué résiste. Je résisterai. Allons, j'irai trouver les commerçants et je leur crierai « Tenez, voilà 3 ans de ma jeunesse ». Je débiterai, j'aunerai, j'appellerai à la caisse, je ferai les paquets ou je vendrai du fil. Est-ce qu'au moins, dans 3 ans, j'aurai conquis un poste qui me laissera de la liberté, des heures pour causer avec moi-même et pour préparer la défense ou la rébellion des autres? Un camarade, né dans la laine, à qui j'en ai parlé, hoche la tête et me dit « Dans 3 ans, tu seras esclave comme au premier jour, maladroit autant que tu l'es aujourd'hui. Mettons que tu t'y fasses, que tu ne sois pas renvoyé de maison en maison, ce qui est la destinée des commerçants. Mais quant à être libre, es-tu fou ? Libre après 3 ans ? Pas après 5, pas après 10. Cette vie n'est possible qu'à qui l'aime. Et n'est bonne que pour qui peut, un jour, avec l'argent de papa ou de la fiancée, acheter un fonds. Et ce jour-là, turlupiner les employés, refaire le client pour devenir riche, au lieu de devenir failli ou banqueroutier. As-tu ce goût? As-tu ces avances? As-tu ce courage? Cette lâcheté? Mon pauvre Vintras, je suis commerçant parvenu et je sais ce que c'est. Tu entrerais chez mon père demain, que dans 15 jours tu le souffletterais et l'insulterais. Si brave homme qu'il soit, si bon garçon que tu puisses être. N'y pense plus. Mieux vaut que tu ailles porter ailleurs tes gifles et ton ambition. » Je me suis mise à rire. Il m'a fait remarquer que mon rire seul était un obstacle. « Tonnerre ! Mauvais vendeur avec ce rire-là ! Mais tout est contre toi, malheureux ! Tes yeux noirs, ta voix de stentor, ton air d'insurgé, de lutteur ! Il ne faut pas ça pour écouler du ruban ou du drap, pour faire l'article, glisser le rossignol. Raye le commerce de tes papiers. À moins que tu ne t'engages, ne te fasses un de ces matins glorieusement troué pour la patrie et qu'on te décore. Tu pourras alors, comme l'homme du prophète, avec une calotte à gland et un habit noir, te tenir à l'entrée des magasins pour ouvrir les portes, pour porter les parapluies des clients, faire enseigne en étalant, large comme un clou, le ruban de ta boutonnière. Il faut que j'en aie le cœur net, cependant. Je vais m'adresser à tous ceux qui ont paru m'aimer un peu et leur demander des lettres de recommandation pour n'importe qui et n'importe où. J'ai écrit à tous mes anciens professeurs. Non, pas à tous. Je n'avais pas de quoi affranchir et il ne me restait plus de papier. J'attends les réponses. 4 jours, 8 jours, 15 jours. Rien. Faut-il écrire de nouveau ? Mais les timbres. Un dernier effort, voyons. Serrons la boucle, mangeons du pain bis, sans rien autre pendant 2 jours, et affranchissons 2 lettres encore. J'ai eu de la peine pour les enveloppes. Il ne m'en restait qu'une de propre, l'autre était vieille. J'ai dépensé sur elle 1,5 sou pour la nettoyer. Elle a mangé le quart de mon déjeuner, la malheureuse. Enfin, je reçois une lettre du père Sivan. J'ai fouillé mes souvenirs et me suis rappelé que le père d'un de mes anciens élèves, M. Bonnardel, est un grand fabricant de Paris. Il trouvera peut-être à vous employer pour la correspondance, pour l'anglais. N'avez-vous pas eu un prix d'anglais ? S'y joint la lettre pour M. Bonnardel. M. Bonnardel reste du côté de l'hippodrome, dans une grande maison qui me fait peur par son silence. C'est sa demeure privée. Je m'adresse au concierge. « Monsieur Bonnardel, y est-il ? » ?»« Non, il n'y est pas. » Un « il n'y est pas » insolent comme un coup de pied. « Il faut faire son deuil du linge blanc étalé exprès, de la toilette organisée à grand-peine, et redescendre vers Paris pour revenir ici demain, si j'en ai le courage. » Ah, j'aimerais mieux me battre en duel, passer sous le feu d'une compagnie. Je marcherai droit, je crois. Tandis que je reviens le lendemain, tout gauche et tremblant de peur. Monsieur Bonnardel ? Même réponse qu'hier. J'ai quelque chose de très pressé à lui dire. Le concierge m'écoute, il me demande mon nom. Monsieur Vintras. Vous dites ? Il me fait répéter. Je réponds timidement. Il entend Vintraz. Je n'ai osé appuyer sur l'S. J'ai escamoté l'S qui est une lettre dure, pas bon enfant. L'homme ne s'y trompe pas et m'enveloppe d'un regard de mépris tout en montant le grand escalier qui conduit sans doute au cabinet de M. Bonnardel. Je ne serais pas plus émue si j'attendais la décision d'un tribunal. J'écoute les pas qui sonnent, la porte qui grince, l'écho triste. 2 voix. On parle. Le concierge redescend. « Monsieur Bonnardel a dit qu'il ne vous connaissait pas. Il faudra lui écrire. Pourquoi vous voulez le voir ?» Je vais rédiger la lettre chez un de mes amis qui a du papier et des enveloppes. Mais il ne m'offrira plus de faire ma correspondance chez lui. J'ai usé 3 cahiers, 6 plumes, brouillon sur brouillon, tache sur tache. Pour la suscription, je m'y suis prise à 3 fois. Comment fallait-il mettre ? Monsieur. Monsieur Bonnardel. Ou maître. Monsieur Bonnardel. Simplement sur une seule ligne. Que fait-on dans le commerce ? J'ai mis 2 fois monsieur à tout hasard. Mieux vaut un monsieur de trop qu'un monsieur de moins. À ma lettre, j'ai joint celle de mon vieux professeur. La réponse m'arrive. Monsieur Bonnardel vous recevra demain, vendredi, à 8 heures du matin. Je me suis levée à 5 heures, par prudence. Il fait froid. J'ai été forcée d'ôter mes bottines et de tenir mes pieds dans mes mains jusqu'à 6 heures. Il pleuvait. Je n'avais pas d'argent pour prendre une voiture, bien entendu. J'ai dû marcher en sautillant pour éviter les flaques. J'ai sautillé depuis le quartier latin jusqu'à l'hippodrome. J'ai un pantalon noir qui traîne dans la boue. Je suis forcée de l'éponger avec mon mouchoir. Mes bottes aussi sont sales. Je les gratte avec ce que j'ai de papier dans mes poches. Il y a là-dedans des lettres auxquelles je tiens, mais je ne puis pas arriver crottée comme ça. Oh, mes lettres d'amour, de vertu, de jeunesse! Pour finir, je suis forcée de me rincer les mains dans le ruisseau. Je sens encore du gravier dans mes gants, mais je n'ai plus de plaque de boue. C'est terne, malheureusement. Les bottes que j'ai essuyées avec mon mouchoir sont ternes aussi. On dirait que je les ai graissées avec du lard. Pour rentrer juste l'heure fixée sur la lettre, je suis allée 10 fois regarder l'œil de bœuf d'un marchand de vin qui fait le coin. J'y suis allée sur la pointe du pied pour ne plus me crotter. J'avais l'air d'un maître de danse. Enfin, il est 8h05. Il me faut ces 5 minutes pour arriver. M'y voici. Monsieur Bonnardel a donné le mot. Le portier me dit, dès que j'ai montré mon nez, « Suivez-moi ». Il m'emmène par le grand escalier jusqu'à une porte devant laquelle il me laisse planter. Enfin, il revient et me fait signe d'entrer. J'entre. Monsieur Bonnardel m'indique un siège. J'attends. Rien. Il regarde des papiers et a l'air de ne plus s'occuper de moi. Je puis faire des cocottes si je veux. Je tousse un peu, ça lui est égal. Je peux tousser, je puis faire « Hum » en mettant ma main gantée de noir devant ma bouche. Il écrit toujours. C'est terrible ce silence. Si je brisais quelque chose? Je laisse tomber mon chapeau. Il se met à rouler jusqu'au bout de la chambre en faisant un grand rond avant de s'arrêter, comme une toupie qui va mourir. Il s'en paie, mon chapeau. Je cours après. Cela prend un bon moment. Je le ramasse, j'ai le temps de le ramasser, de revenir sur ma chaise. Monsieur Bonnardel me laisse libre. Tranquille, je ne le gêne pas. Ah, tant pis, je casse la glace. Monsieur Bonnardel. Je me suis décidée à parler, mais d'avoir mis 2 fois monsieur sur la lettre l'autre jour, ça m'est resté dans l'esprit, et j'ai dit monsieur Bonnardel, comme si je lisais mon enveloppe. Il ne bouge pas. Il croit que je lui écris une lettre, il attend sans doute que je la lui remette. Je recommence en précisant « Monsieur Bonnardel, rue du Colisée, 28. » J'espère qu'il n'y a pas à s'y tromper et que je prends bien mes précautions. C'est toujours le souvenir de l'enveloppe. Monsieur Bonnardel a-t-il été frappé de mon insistance à mettre les points sur les « i » ? Reconnaît-il là des habitudes de commerce vraiment sérieuses et toujours utiles? Probablement, car, se tournant de mon côté, « Monsieur Vintras, fait-il avec un geste de lapin de plâtre, 13 rue Saint-Jacques. » Monsieur Bonnardel s'incline. Nous sommes bien les 2 hommes en question, pas de surprise. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? L'œil de Monsieur Bonnardel, rue du Colisée, 28, demande à Monsieur Vintras 13 rue Saint-Jacques, de quoi il s'agit ? Ce n'est pas sans doute pour faire rouler mon chapeau et lui dire des enveloppes que je suis venu. Il faut s'expliquer. Monsieur, je suis jeune. J'ai dit cela très haut, comme si je faisais un aveu qui me coûta, comme si d'autre part j'en avais pris mon parti carrément. Je suis jeune. Monsieur Bonnardel a l'air de n'en être ni triste ni heureux. Ça ne lui fait rien à monsieur Bonnardel. Je laisse mon âge de côté et je reprends d'une traite. Monsieur, j'ai compté que sur la recommandation de monsieur Sivan, mon ancien professeur, vous voudriez bien vous intéresser à moi et m'aider à obtenir une situation qu'il m'est difficile de trouver sans connaissance et sans appui. Monsieur Bonnardel me fait signe de m'arrêter et d'une voix lente « Que savez-vous faire ?»« Ce que je sais faire ! Il me demande cela sans me prévenir, à brûle-pourpoint ? Ce que je sais faire ? Mais je ne suis pas préparé, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Ce que je sais faire ? Je suis bachelier. » Monsieur Bonnardel répète sa question plus haut. Il croit sans doute que je suis sourd. Que savez-vous faire ? Je tortille mon chapeau, je cherche. Monsieur Bonnardel attend un moment, me donne 2 minutes. Les 2 minutes passées, il étend la main vers un cordon de sonnette et le tire. Reconduisez, monsieur. Il remet le nez dans ses papiers. J'emboîte le pas du domestique et je sors, la tête perdue. Ce que je sais faire ! J'ai encore cherché toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. J'ai lié connaissance avec un fils d'usinier, brave garçon que je mets franchement au courant de ma situation d'argent, d'esprit et d'ambition. Je lui fais part de mes déconvenues et de mes maladresses. Il me répond en bon enfant. J'ai mon oncle qui est fabricant aussi, mais qui ne vous recevra pas comme monsieur Bonnardel. Je lui parlerai de vous. Allez le voir mardi et bonne chance. Mardi est arrivé. Je m'ouvre à l'homme et il m'écoute avec bienveillance. Quand j'ai fini, eh bien, je ne veux pas qu'il soit dit qu'un garçon de courage qui demande à s'occuper ne trouvera pas de travail chez moi. Vous entrerez à l'usine pour faire la correspondance. Vous savez tourner une lettre, comprendre ce qu'il y a dans les lettres des autres. Je réponds « Oui ». Je dois savoir faire une lettre, puisque j'ai été 10 ans au collège. Vous viendrez après-demain. J'arrive aujourd'hui. On me regarde beaucoup. Les blouses bleues, les bourgerons, les tricots, les cottes, les chemises de couleur, les ouvriers et les hommes de peine toisent ma redingote noire avec un air de pitié. Ma redingote est propre cependant. Elle est boutonnée, c'est pour cacher le gilet qui est fripé, mais il n'y a ni tache ni trou, et mon col retombe bien blanc sur ma cravate de satin noir. Mes souliers brillent. Vais-je briller aussi ? Par ici, monsieur Vintras. Monsieur Maillard me conduit à travers une longue galerie encombrée de débris de fer rouillé jusqu'à un cabinet vitré où il y a une chaise haute, un pupitre, très haut aussi, du papier bleu, des plumes d'oie et le courrier du matin. Voilà votre bureau. Je fais une mine de satisfait. J'esquisse un sourire de reconnaissance. « Maintenant, ajoute M. Maillard, vous allez dépouiller cette correspondance. Je reviendrai dans 1 heure et vous montrerai votre classement, vos pointages. J'ai dit à celui qui faisait la besogne avant vous de n'arriver que vers midi pour voir comment vous vous en tirerez par vous-même. » Je frémis à l'idée de me trouver seule dans ce bureau vitré. Monsieur Maillard reprend en décachetant une lettre dans le tas et en me la montrant. Vous pourrez déjà faire une formule de circulaire à propos de cet article. Vous répondrez que la maison regrette beaucoup de ne pouvoir satisfaire à ses demandes. Vous répondrez cela en termes qui ne fâchent pas les clients. Il sort. Classé, pointé. Je place ensemble les lettres qui ont trait au même article. Malheureusement, il est question d'un tas de choses. Il y a beaucoup d'articles. Je n'ai plus de place sur le pupitre. Je suis forcée de me lever et d'en mettre sur ma chaise. Je ne sais plus où écrire ma circulaire, celle qui doit être polie et ne pas fâcher le client. Je commence. Monsieur, c'est avec un profond regret que je me vois obligée. Triste ministérium. J'efface triste ministérium et je reprends. Avec un profond regret que je me vois obligée de vous dire que votre demande est de celle que je ne puis. Albo notare capillo, marqué d'un caillou blanc. Faut-il garder albo notare capillo? Monsieur Mallard verrait que je ne mens pas, que j'ai vraiment reçu de l'éducation, que je n'ai pas oublié mes auteurs. Non, c'est mauvais dans le commerce. Effaçons. Un pâté. Je l'éponge avec un doigt que j'essuie à mes cheveux. Mais j'ai encore fait tomber de l'encre par ici. Je me sers de ma langue cette fois. Continuons. De celles auxquelles je ne puis faire droit qu'à des conditions qu'il serait impossible que vous acceptassiez et que pour cette raison il serait inutile que je vous proposasse. Que de que ! J'ai chaud. J'écris debout en tirant la langue au milieu des lettres que j'ai peur de brouiller et que ma respiration soulève. Je m'arrange pour mettre mon nez dans ma poitrine afin que les papiers ne s'envolent pas. Que je vous proposasse. Ah, comme je préférerais que ce fût en latin. Si je faisais d'abord ma lettre en latin. Je pense bien mieux en latin. Je traduirai après. C'était le moyen. Mais Maillard arriva. Deux faits le frappent au premier abord. Les lettres rangées en réussite, puis la couleur de ma langue qui pend au coin de ma lèvre. « Est-ce que vous êtes sujet à l'apoplexie ?» me dit-il. « Non, monsieur. C'est que vous avez la langue toute bleue. Il faudrait vous couper l'oreille tout de suite si ça vous prenait. »« Oui, monsieur. »« Pourquoi avez-vous éparpillé la correspondance comme ça ?»« Pour la classer, pointer. » Celle qui est sous vous doit être brûlante. Il ne me laisse pas le temps de combattre l'idée que j'ai pu déshonorer le courrier en m'asseyant dessus. Et avant que j'aie fini de ranger, il me demande la lettre qu'il m'a prié de rédiger. Lisez. Il me laisse barboter. Et quand j'ai lu mes trois lignes, Monsieur Vintras, me dit-il, vous n'avez pas le style du commerce. J'aperçois du latin sur votre chiffon. Que diable vient faire ce latin dans une lettre d'usine? Ne soyez pas désespéré de mes observations. Dans quelque temps, vous en remontrerez peut-être à votre maître. Dès que vous serez, si peu que ce soit, en mesure de faire la besogne, je vous donnerai 100 francs par mois. En attendant, remettez les lettres comme elles étaient, pour que M. Troupa s'y retrouve. Bien. Maintenant, allez fumer un cigare dans la cour et lavez votre langue à la fontaine. Est-ce un ordre, une plaisanterie, un conseil? Mieux vaut ne pas s'exposer à un reproche. Je vais laver ma langue à la fontaine. Quand j'ai fini, je me promène, je tâche de me donner une contenance. À travers les vitres cassées de l'usine, les ouvriers me dévisagent. À un moment, je suis croisée par un gros homme, sans barbe, l'air grave, la peau moite. Il me lance un coup d'œil froid, chagrin, insultant. C'est Monsieur Troupa. Monsieur Maillard me fait signe de rentrer. La présentation a lieu et il est entendu que je serai un mois à l'école de ce gros homme à la peau molle. Monsieur Troupa, fait-il à contre-cœur son métier d'instructeur, ou bien est-ce ainsi dans les usines? Je l'ignore, mais chaque matin en me levant, je tremble à l'idée de me trouver à côté de lui, tant il a l'air prêtre et glacial, tant j'ai la tête dure. N'importe, je resterai. jusqu'à ce que j'aie pris le pli et que je sache rédiger selon la formule. En réponse à votre honoré du courant, veuillez faire bon accueil. Veuillez faire bon accueil. La première fois que M. Troupa a dit cela, j'ai cru qu'il se déridait et commençait une romance. Veuillez faire bon accueil à la lettre de charge, a-t-il repris d'une voix de chantre. Je suis un sot. Au bout d'un mois, M. Maillard me fait appeler. M. Vintras, je ne puis décidément pas vous garder. Ce serait vous voler votre temps, ce qui n'est pas honnête et ne m'avancerait à rien. C'est moi qui suis coupable d'avoir pu croire qu'un garçon lettré et d'imagination pouvait se rompre à la méthode et à l'argot commercial. Jamais vous n'aurez ce qu'il faut. Vous avez autre chose. Mais ce serait folie de rester ici. Ne pensez plus au commerce, croyez-moi, et cherchez une voie plus en rapport avec votre intelligence et votre éducation. J'ai traversé la cour entre les deux rangées d'établis logés contre les vitres sur la longueur des ateliers. Un apprenti qui avait entendu la scène avait porté la nouvelle de ma déconfiture. C'était triste de passer sous le feu de cette pitié. Mon intelligence, mon éducation. Comment devient-on bête? Comment oublie-t-on ce qu'on a appris? Que quelqu'un me le dise bien vite. Criez-le-moi, vous qui n'avez pas fait vos classes et qui gagnez le pain quotidien.